Chapitre 16e. Dans le vocabulaire du Lido, le mot de matinée signifie à volonté l'heure languissante de l'apéritif ou l'heure encore plus engourdie qui sépare la digestion du bain de 5 heures du soir. Boyne employa toute son énergie à obtenir des Waters de vouloir bien consacrer une de ses heures de loisir à l'entretien désiré et triompha quand on convint d'un rendez-vous à l'hôtel avant le déjeuner. Par malheur, à cette heure-là, pas un coin tranquille dans le lounge, ni sur les terrasses avoisinantes. Tout le peuple du palace s'y déversait en masse, en réclamant à boire et à manger. Boyne venait à peine d'installer le ménage Waiter dans 2 des fauteuils profonds, où son espoir de les retenir reposait sur la difficulté physique de se relever, que Lady Wrench entrait en se faisant les ongles avec un outil d'écaille et fredonnant un air nègre de son exécrable fausset. « Seigneur, qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Vous complotez? Vous avez l'air de poser pour un film. » Et elle fit une pause, après cette entrée de théâtre, très satisfaite de son effet. « Ce que nous faisons, » répliqua Joyce, d'une voix irritée, « ma chère, vous me rendriez service de me le dire. Je crois que Martine est en train de nous donner des leçons pour nous apprendre à élever nos enfants. » « Alors, si c'est sérieux, au revoir, » dit Lady Wrench. « Je vais voir la tante des Mendip, celle qui vient d'arriver. Elle vient de quelque part là-bas. C'est quelque chose de marocain. »« Marocain, c'est un nom de cuir, n'est-ce pas ? Enfin, c'est du sud de l'Afrique. On est en train de la monter. Il paraît que c'est une merveille. »« Une tante neuve ?» dit Joyce, et son visage brilla de curiosité et du désir vagabond d'être de tout ce qui se faisait. « Le dernier cri, ma chère. » C'est décoré de dessins cubistes. Une idée de peignoir pour Anastase. Tiens, vous voilà, Gérard. Je vous cherchais partout. Je vous croyais noyé. Vous venez voir la tante de Mendip. Joyce leva la main. Gérard. Monsieur Ormerod, un moment, s'il vous plaît. Nous sommes en train de discuter une question importante. J'aurais besoin de votre avis. Joyce, par pudeur, fit son mari. Joyce lui jeta un regard de dignité blessée. « Vous ne voudriez pas que je n'aie pas mon conseil? Vous avez bien Martine, vous. »« Il ne s'agit pas d'un championnat, » grogna Waiter. « Qui sait? Nous verrons bien. Asseyez-vous, Gérard. » Madame Waiter lui désigna un fauteuil. Ormerod ensevelit de mauvaise grâce ses longues jambes. « Joyce, Clive, avez-vous vu la tante de Mendip? » C'était Madame Lulmer. Une Madame Lulmer exquise, sans rides, dans un chiffon de maillot dont la parcimonie se cachait mal sous le renfort d'une écharpe orange transparente et qui posait là, dans une séduisante attitude plastique, aux yeux du couple devant lequel Boyne avait mis le blocus. « Allons-y vite jeter un coup d'œil avant l'apéritif. Clive, je vous emmène. » Madame Waiter pinça les lèvres et un peu de rose monta aux tempes, inondée de sueur de son mari. « Ne pouvons pas, Sib, nous causons affaire. » « Affaire. » Aussitôt, la figure vaporeuse de Madame Lulmer prit les bords précis et coupants d'un camé, et ses yeux se réduisirent aux fentes d'un créneau de guetteur. « On vous a mis sur une bonne piste. Moi, je suis toujours dans la dèche. Un bon tuyau, par charité. » Waiter se mit à rire. « Il ne s'agit pas d'affaires de bourse. Il s'agit des enfants. Encore ? Tiens, cela me fait penser que j'ai une fille. Où est-elle passée ? Pixie ? Ah, la voilà. » « Ma chérie, va vite dans ma chambre et rapporte-moi un de mes nouveaux bâtons de rouge. Pas baiser défendu, tu sais, mais nouveau péché. Celui qui va dans le nécessaire d'or que le duc m'a donné hier. » Un petit lutin, à crinière d'ange préraphaélite et aux minces courbes brûlées de soleil, qui jouait à des jeux de main avec un des liftiers, se détacha et prit son vol à la voix de sa mère. « Une enfant délicieuse et d'une obéissance. » Ah, si ma pauvre Doll m'avait écouté, dit Madame Lulmer à Boyne, avec un sourire rétrospectif, qui voulait dire que le malheur de sa fille aînée avait été la conséquence de son opposition à la sagesse maternelle. Voyons, j'étais en train de dire, reprit Boyne, un peu nerveux. Mais un flot de baigneurs, augmenté d'un renfort de touristes arrivés de Venise par le bateau pour déjeuner, enveloppa les Waiters d'un groupe vociférant, et au même instant, la grosse horloge sonna le coup d'une heure. « Allons, tu vois, mon vieux, il est trop tard pour parler affaire. « Je crois que Joyce a du monde à déjeuner, » dit Water à son ami d'un air un peu gêné. « Mais tout à l'heure... »« Comme tu voudras, tout à l'heure. » Après le déjeuner, quand enfin, par degrés, la foule du restaurant et du grill room eut achevé de se disperser pour le bain et les parties de bridge, comment s'était donné rendez-vous à la tente du duc ? « On serait très bien ici, » suggère Boyne à Joyce avec une patience angélique. « Ici, sous la tente ?»« Mais oui, » insista Boyne. « On est à l'ombre, on est tranquille, personne ne viendra nous déranger. Pourquoi ne pas en profiter pour vider la question avec votre mari ?» Elle hésita, irrésolue. « Et d'abord, où est-il, mon mari ?»« Ah, là-bas, je le vois. »« Sous l'ombrelle de Sib, naturellement. Moi, je suis toujours prête, vous savez. » À la bonne heure, je vais le réquisitionner. » Parmi les groupes vautrés sur le sable, il évolua jusqu'au parasol sous lequel gisait Madame Lelmer, près de Clive Water, allongée à côté d'elle, pareil au plan en relief d'un pays de montagne. Joyce t'attend dans la tente du duc pour causer. Water souleva sur un coup de languissant une partie de sa masse pesante. Pour causer de quoi ? Ah oui, c'est bon. Il était clair qu'à ce moment, Boyne tombait très mal. Mais Water se remit lentement sur ses pieds, se secoua, alluma une cigarette et suivit son ami d'un pas traînant. Madame Lelmer le rejoignit à l'entrée de la tente. « Je ne suis pas de trop, » dit-elle en souriant à Joyce. Et Water murmura, moitié pour sa femme et moitié pour Boyne, « Elle a une grande expérience des enfants. Tout ce que je veux, c'est le bien des miens. » dit froidement Madame Water, qui ajouta, après qu'ils furent installés sous la tente. « Martin, vous trouverez Gérard quelque part aux environs. Voulez-vous avoir l'obligeance de le faire venir ?» Water, en haussant les épaules, se laissa tomber avec résignation sur un des coussins de maroquin disposés en cercle dans la tente. Le premier mouvement de Boyne fut de revenir bredouille et de feindre qu'il n'avait pu trouver Gérard. Mais il réfléchit que Joyce pourrait prendre ce prétexte pour ajourner encore, et il revint bientôt, accompagné du précepteur, qui remorquait dans son sillage Lady Wrench et ses élégances parfumées. « Mes enfants, » déclara celle-ci, « j'ai autant de droits que n'importe qui à siéger dans ce conseil. Il y sera sans doute question de ma petite. N'oublions pas que je suis la mère. » Ce raisonnement parut sans réplique, et Lady Wrench s'assit sur sa pile de coussins avec un sourire de triomphe. « Il ne manque Buen del Monte, » grogna Water à demi-voix, mais pas assez bas cependant pour ne pas être entendu de Zinnia. « Mais il n'est pas loin, » s'écria-t-elle. « Je viens de le quitter au bar. Je ne vois pas pourquoi mon mari n'aurait pas voix au chapitre quand il s'agit de mon enfant. » On fut d'accord que cela non plus, on ne pouvait le refuser. Et comme Lord Wrench et le duc étaient inséparables, et que la conférence avait lieu sous la tente de ce dernier, personne ne fut surpris de les voir arriver tous deux et s'installer chacun sur une pile de coussins. « Mendip est curieux de savoir comment ces choses-là se passent en Amérique, » dit Lord Wrench, avant de s'enfermer dans une concentration qui ressemblait fort au sommeil, tandis que le duc marmottait sous sa courte moustache. « Ça peut toujours servir, on ne sait jamais. » « Je ne serais pas fâché de savoir sur quoi nous discutons, » commença Joyce. « J'ai dit 100 fois, et je le répète, que je ne désire qu'une chose, qui est le bien des enfants. Tout le monde sait que j'ai tout sacrifié à cela. Et à quoi cela a-t-il servi? Je vous le demande. » « C'est comme moi, » dit Lady Wrench, avec une soudaine sympathie. « Mais allez donc vous dévouer. Cela n'empêche pas une canaille d'homme d'affaires de venir vous arracher votre enfant le lendemain matin et de chipoter sur 2 sous de pension qu'on vous doit. Ce que j'en dis n'est pas pour la question d'argent. De l'argent, j'en ai plus que je n'en veux. Je ne crois pas que personne ici songe à s'adresser aux tribunaux, dit Boyne. Mes amis que voici adorent leurs enfants et nous savons tous qu'ils ne souhaitent que leur bien. Toute la question est de savoir comment on peut y arriver. Pour moi, c'est une affaire simple comme bonjour. Salomon, fit le duc avec un mince sourire. Oh non, c'est même tout le contraire. La division, c'est ce que je ne voudrais à aucun prix. Du moins, c'est ce que je supplie qu'on évite. » Boyne se tourna vers son ami. « Au nom du ciel, mon vieux, laissez-les tous ensemble. » Mais ils y étaient. et il s'y serait resté tout le temps avec moi, marmotta Water avec désespoir. Joyce releva sa crête dorée en la secouant d'un air de défi. Cela dépend de Clive. Il ne pense pas que je vais abandonner mes enfants à la future Madame Water que je vois poindre à l'horizon. Gérard et moi, nous sommes prêts. Clive et moi, nous le sommes aussi, jeta Madame Lulmer. Et que faites-vous de moi et de mon mari là-dedans? Intervint Lady Range. Je me charge d'avoir pour moi ce qu'il y a de mieux dans le barreau. Encore une fois, reprit Boyd, il ne s'agit pas de mêler la justice à vos affaires. Ces petits ne demandent qu'une chose, c'est qu'on cesse de livrer bataille autour d'eux et qu'on les laisse tranquilles. Judith et Terry flairent du nouveau dans la vie de leurs parents. Ils souhaitent de rester ensemble et de n'avoir pas à souffrir de la nouvelle révolution du palais. Je ne suis ici que leur porte-parole. Ces petits sont très attachés les uns aux autres. Ils ne veulent pas qu'on les sépare. Est-ce qu'entre vous tous, vous ne pouvez pas vous mettre d'accord là-dessus, du moins provisoirement? Mais Pixie serait une petite sœur idéale pour Terry et Blanca, intervint Sybil Elmer. Elle connaît partout les petits amis les plus gentils. Voilà l'avantage de la vie d'hôtel, on fait des relations. Et puis Judith est en âge de se marier bientôt, et alors, que deviendront les autres? Madame Lulmer dirigea vers Boyne un sourire entendu. « Vous n'avez jamais pensé que Judith pouvait se marier, monsieur Boyne ?» Mais Boyne ne releva pas l'insinuation. Déjà Lady Range prenait la parole. « Je désire pour Zinni la bonne vie d'intérieur dans notre ranch de Californie. Cette façon de vivre au pied levé dans les hôtels, c'est ce que je connais pour les enfants de plus démoralisant. N'est-ce pas? Vous en savez quelque chose, madame » dit-elle en tournant ses grands yeux vers Madame Lulmer. Celle-ci lui rendit un regard non moins suave. « Non, » dit-elle, « les miens n'ont jamais eu de ranch à Hollywood. »« Hollywood, Hollywood !» répéta Lady Range, pâmée de rage. Madame Lulmer donna à ses sourcils un air d'interrogation innocente. « Est-ce que Hollywood n'est pas en Californie ? Oh, que je suis bête. C'est que je n'ai jamais été dans l'Ouest. » Joyce Water se redressa sur son coude. « Tout cela, ce sont des mots qui ne mènent à rien. » Il y a 4 enfants qui sont de Clive et de moi. J'ai toujours fait tout ce que j'ai pu pour le bonheur des petits Buendelmonte comme des miens. Et voilà comment on me remercie. Personne n'est mieux indiqué que Gérard pour se charger de l'éducation de Terry, dont son père n'a jamais pris la peine de s'occuper. Mais je vois qu'on ne cherche que me mettre dans mon tort. Madame Lulmer l'interrompit d'une voix mielleuse. Voulez-vous vous taire, ma chérie? Tout au plus a-t-il manqué à ces petits de sentir autour d'eux un peu plus de tendresse. Vous permettez, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas vous faire de peine. S'ils étaient à moi, je me figure que je me soucierais peu d'en faire des petits savants. Il me suffirait de les voir tous bien portants, heureux et les joues roses, en train de s'amuser toute la journée comme le fait Pixie. En compagnie de barmen et de garçons d'ascenseur. Excellente préparation, la vie pour l'élite, fit Lady Range. Madame Lulmer sourit. Vous l'avez dit. Toutes les petites amies de Pixie appartiennent au gratin, comme vous dites. J'avoue que j'ai la faiblesse de croire que c'est encore plus important pour un enfant que de savoir que le Maroc n'est pas dans le sud de l'Afrique. Et où le mettez-vous alors? Rennie, tu m'avais dit... À cet instant, le duc se leva. C'était l'heure où il avait pour règle d'aller faire une pléno. Son départ fut le signal de la dislocation. Pour dissoudre une société, le duc de Mendip disposait d'un pouvoir incomparable. L'idée bien établie que partout où il était, là se trouvait le centre des plaisirs, effaçait tout autre sentiment dans son entourage. Lord Ranch lui-même se secoua de son assoupissement et ramassa ses longues jambes pour un départ précipité, et son exemple fut suivi par sa femme et Madame Lulmer. « Seigneur, quelle heure est-il? Nous allons manquer le match de plongeon sur le radeau d'Elamancy, » s'écria Lady Ranch. Et moi qui ai parié 50 livres pour le grand-duc, et tout de suite, il y a le défilé de mannequins pour le prix des costumes de bain. J'ai donné un des prix. » Madame Lulmer, ayant pris dans son petit sac un bâton de rouge, restaurait avec attention le décor de son petit masque pensif. « Vous venez, Clive ? » demanda-t-elle avec négligence. « Vous êtes du jury des plongeurs. » Clive Water s'était remis pesamment sur ses pieds et jetait autour de lui des regards embarrassés. « C'est que j'avais promis d'en être. » « Le diable m'emporte, je suis en retard. »« Tout est toujours en retard, c'est à n'y pas tenir, » murmura Madame Lulmer. « C'est bien nous, les classes laborieuses. » Joyce Water restait négligemment étendu. Ainsi, c'est une affaire réglée ? Réglée ? Réglée ? Que veux-tu dire ? Lança Water qui sortait de la tente. Tu nous as réunis pour prendre une décision au sujet des enfants. Je pense que nous sommes d'accord que je garde les miens. D'accord, mais pas du tout. Je n'ai jamais dit cela. Martine sait mes conditions. Je n'en connais pas d'autres et je n'en connaîtrai jamais. Ormerod, Ormerod ! Où diable est-il ? C'est lui le prochain inscrit sur la liste des plongeurs. Madame Hennessy envoie dire que tout est arrêté à cause de lui. Ah, vous voilà, Gérard. Arrivez, pour l'amour de Dieu, ou c'est moi qui enlève la coupe. Un jeune bronze amphibie, ruisselant d'eau salée, soulevait la toile de la tente, découvrait Gérard Ormerod encore sur le dos dans son coin et le mettait brusquement sur ses pieds, cependant que Joyce Water manifestait une subite activité. Gérard, voyons, vous allez manquer votre tour. Clive, est-ce que le canot est là pour nous mener jusqu'au radeau ? Où avais-je la tête, ma parole ? C'est toujours comme ça, toutes les fois qu'on parle des enfants, j'oublie tout. Water mit sur l'épaule de Boyne une main persuasive. Tu vois, mon vieux, dans ce diable d'endroit, on n'a jamais le temps de rien. Allons, tu viens avec nous à ce match de plongeon ? La mer est si calme que le canot nous attend là sans bouger depuis le déjeuner. Nous serons rendus en une seconde. Non, tu ne veux pas. Dans ton aise. Tu manques un joli spectacle. À demain alors. Non, vraiment, tu pars demain matin ? Quelle idée ! Au lieu de rester un jour ou deux pendant que tu y es, les petits ? Il n'y a pas à se faire de bile pour eux. Ils sont très bien là où ils sont. Reste donc. Nous pourrons ruminer la chose tout à notre aise. Alors c'est non. Eh bien, en tout cas, à ce soir. Nous irons tous les trois, Joyce et toi, sur mon béguin après le dîner. Et nous causerons rien contre nous. Ça te va ?